même pas les boutons, les moutons, les matons. Les fumes comme le bête du matin. Ce que j'entends, j'entends pour me faire des braquages vocales à mental. Je connais. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils, y'a rien qui m'arrête. Mais si tu viens de la barrette, la moula dans la cigarette. Vénère au démarrage, comme Sterling ou Marès. Mon studio, j'envoie la rafle, le studio dans la RS. Faut que tu l'ouvres trop, je vais t'éjecter. Je vais monter ma caisse, pas de tracker détecté. Une fois que t'as amitié, suspecté. Je crois que je vais me faire une pause de nain, histoire qu'il puisse becter. Je vais tout casser, fils, te laisse m'en passer. Assez les choses du passé, faire de l'avant tout le temps, même si malheur que tu l'as. Bon matin, je me lève, je me fais un perso. Génération la débrouille, parce que c'est pour percer. Au cas où tu as oublié, là c'est la zone en personne. Par les Giro et les Ara, j'ai été bercé. Je suis pas le boss, mais je les crosse. En bois, tu pourrais faire danser Eric Ross. D'origine corse, je mets droit le cross. J'arrive en crabe pour eux, c'est atroce. Lunettes comme Matrix, gazeuse matraque. Il me reste un point en volant, ouais, je fume la drogue. Elle veut que je la drague, que je fasse une drake. Elle veut la bague, mais moi je bug. Qu'elle tourne la bague en bug. Facebook, j'ai que des plans, j'fais le pain, j'fais le plein, j'passe par Valplan, j'récupe le zin, à la zin, oh l'asile m'a vu mes deux coups de frein, ouais, oh le zin, oh le zin, oh l'asile m'a vu mes deux coups de frein, ouais, j't'équipe en zoom, soudain ensemble, pas poussette, entre nous on sait qui est qui, on le sait, si un fou on le sent, si y'en a un qui fait le fou, direct on le sort, évite de faire le bouille, faut t'arrêter de porter des couilles, tu vas avoir des embrouilles. Sous le casque intégral, y'a des mauvais garçons. Sous l'ensemble Keshoa, y'a un cœur en glaçon. Le bout du cal, il touche les couilles quand tu le mets dans le caleçon. Il fait le mec plein, tout bidon, que des contrefaçons. On aime pas les boutons, les moutons, les matons. Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'entends. Pour qu'à faire des bras, je m'entends, là tu connais. On n'aime pas les boutons, les moutons, les matons. Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'entends. Pour qu'à faire des bras, quand je vois. Comme le bête du matin, ce que j'entends, je m'entends, pour qu'à faire des braquages.